Gabon. Vous serez le prochain maire du Star Hits, on peut le confirmer. J'ai pas les résultats officiels définitifs encore, mais visiblement on a augmenté l'avance qu'on avait déjà au premier tour, donc effectivement oui, on arrive à 45%, un peu plus de 45% des suffrages exprimés, donc mais pour nous c'est confirmation de la dynamique qui avait été enclenchée dans Oustalie de Trémaille. Confirmation du travail que vous avez mené durant la campagne. Confirmation du travail durant la campagne, bien avant la campagne, parce que ça fait quand même plus d'un an qu'on est en train à la fois de rassembler, de travailler, et plus bien sûr tout le travail précédent qui a été fait pendant les mandats précédents. Et voilà, je voudrais en profiter pour rendre un hommage particulier à Betty Tamestoy, qui a œuvré pendant plusieurs mandats pour le groupe Eriabicidadine, et Eriabicidadine qui s'est intégré, qui s'est impliqué dans les marches Oustalie Trémail. Et voilà, donc je pense que Oustalie Trémail lui doit beaucoup. Bien sûr, l'équipe complète a su prendre le relais depuis un an. Voilà, donc c'est vraiment au-delà de la tête de liste, c'est vraiment un résultat collectif, positif, que je voudrais mettre en avant. Et puis, objectivement, quand on regarde les chiffres, 45%, on est sur un rassemblement. Oustalie Trémail avait besoin de changement, Bruno Carrère. Oustalie, mais c'est assez visible. Hein, quand on regarde le résultat du maire sortant, qui s'était déjà effondré et qui descend encore un peu plus bas, donc effectivement, il n'est même pas 17%. C'est une preuve manifeste qu'il y avait besoin de changement. Et je pense que le changement, on le préfigure, en tout cas les gens se sont bien identifiés à la démarche qu'on a présentée.